Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Radio Fadjet, l'instant présent, le rendez-vous mensuel consacré au développement personnel. Lors de chaque émission, nous abordons donc une thématique spécifique. Aujourd'hui, la reconversion professionnelle. Pourquoi, comment et avec quel outil, une émission que je vais co-animer avec une professionnelle du développement personnel, Dorothée Lacroix, qui est sophrologue et instructrice en méditation de pleine conscience. Bonjour Dorothée. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous donc de l'instant présent. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche de plus en plus de Français, la reconversion professionnelle. Que ce soit par choix, par nécessité ou par envie de donner un nouveau sens à sa vie, changer de métier est devenu une étape courante dans de nombreux parcours. Et pour en parler, bien évidemment, fidèle au poste de l'instant présent, Dorothée Lacroix, sophrologue. J'espère que tu es en pleine forme pour aborder ce thème. À la veille de l'été, oui. Très bien. Et nous allons aussi retrouver une invitée qui est venue partager son expérience professionnelle. En effet, pour commencer cette émission, nous avons donc rencontré Rachel Guilin, qui est actuellement donc Manu relaxologue, plus précisément un professionnel du bien-être qui allie la relaxation et les techniques de massage. Alors nous avons été interviewés donc Rachel à son domicile et on va d'abord donc lui demander de se présenter. Bonjour à tous. Je suis Rachel Guilin, je suis manu-relaxologue, un métier que j'exerce aujourd'hui dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Avant ça, j'ai travaillé près de 30 ans comme assistante sociale dans la fonction publique, dans différents services et différentes administrations. Et puis, à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de changer. Alors, quelles ont été mes motivations ? Pour changer d'emploi, j'étais dans un poste où je ne me retrouvais plus, un poste où je trouvais plus de sens à ce que je faisais, un poste où j'attendais en permanence un minimum de reconnaissance qui n'est jamais venu. Au fur et à mesure des années, on nous surchargeait de dossiers, de missions, sans jamais avoir plus de reconnaissance que ça, de moins en moins d'autonomie dans la façon de travailler, et puis bien évidemment avec un turnover au sein des équipes qui était vraiment très très compliqué à gérer. Donc vraiment un sentiment de tourner en rond, de toujours faire la même chose, et vraiment sans but, vraiment en allant au bureau parce que simplement il fallait y aller. Mais je suppose que se reconvertir a engendré quand même des peurs. Alors le choix de changer de métier, ça ne se fait pas sans peur et sans doute. Bien évidemment, des peurs, il y en a plein. J'en ai eu plein. La peur de l'inconnu, la peur de l'insécurité financière, la peur de ne pas être capable, de ne pas savoir faire, de ne pas avoir les compétences. Et surtout, la peur du regard des autres, la peur du regard des parents, la peur du regard des proches. Ça a été mes principales peurs. Alors avec votre expérience, pour lever ces peurs, il est nécessaire de mener son projet de reconversion en plusieurs étapes. Alors un projet de reconversion, ça ne se mène pas de front, de but en blanc, ça se mène étape par étape. Donc moi, la première, vous l'avez compris, a été de lister mes envies, mes besoins, mais j'ai aussi listé mes compétences, mes savoir-faire, mes savoir-être, et listé les points sur lesquels j'avais besoin de travailler, notamment tout ce qui était gestion, marketing, vente, j'avais aucune connaissance dans ce domaine-là. Mais avant même de me lancer dans le projet de reconversion, bien en amont, la première étape a été d'oser parler de ce projet à mes proches, et à ma hiérarchie, à mes responsables. Ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été la recherche de financement, puisque je savais que je voulais continuer dans un métier d'accompagnement, notamment grâce à la relaxation et les massages bien-être. La seconde étape a été de demander le financement de ma formation. Et puis ensuite est arrivé le temps de la rupture conventionnelle, et l'inscription à Pôle emploi. C'est pas une étape évidente, mais en tout cas c'est une étape indispensable, puisque moi c'est une étape qui m'a permis de tester mon activité, de bénéficier de différents accompagnements par différents prestataires sur mon territoire, de bénéficier de financements de mon projet et puis surtout de monter en compétences, utiliser cette période pour continuer à me former. Et ainsi donc vos doutes se sont donc transformés en force. Alors même si bien sûr j'ai eu des doutes et des peurs, hein, comme je l'ai dit précisément auparavant, à un moment donné mes doutes, mes peurs sont vraiment devenus des forces. Ils m'ont obligé à sortir de ma zone de confort et à gagner confiance en moi. Plus j'ai osé, plus j'ai avancé, et le regard des autres, toutes les interrogations que j'avais sont vraiment devenues une force qui m'ont vraiment, vraiment poussé à avancer, puisque le but c'était, je vais leur montrer que je suis capable, que j'ai eu raison de le faire, et de lever tous les doutes et les interrogations que eux pouvaient avoir, puisque finalement je me dis que ça leur appartenait, c'était leurs doutes, leurs interrogations et pas les miennes, puisque moi je croyais à mon projet et je savais ce dont j'avais envie. Et ce qui vous a aidé, c'est dès le départ donc d'avoir une vision à long terme. Une des clés aussi pour réussir un projet, je pense que c'est vraiment de travailler sur une vision à long terme, de se projeter, de vraiment étudier tous les cas de figure, de voilà, vraiment utiliser. Donc moi j'ai utilisé des exercices de visualisation puisque c'est ce qu'on nous apprend en relaxation, ça m'a été fort utile. Et j'ai eu la chance aussi dans les différents accompagnements dont j'ai pu bénéficier, où on a eu une journée de formation où justement on a travaillé cette notion de projection, comment se projeter plus sereinement. Et là, ça m'a aidé puisqu'on est reparti de cette journée de formation avec un plan d'action sur une vision à 3 jours, à 3 semaines, à 3 mois et à 3 ans. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui, à mon sens, est indispensable pour avoir une vision claire et sereine de l'avancée de notre projet. Et je suppose que vous avez été donc accompagné dans votre projet. Donc un projet de reconversion professionnelle, ça se fait effectivement bien évidemment avec différents accompagnements. Je pense qu'il ne faut pas rester seul, il faut vraiment oser aller entrouvrir les portes, solliciter les partenaires de votre territoire. Et il y a aussi le côté financier. Donc moi effectivement j'ai bénéficié de différentes aides. La première a été de débloquer mon compte personnel de formation pour financer la formation de relaxologue. Puis une fois inscrite à Pôle emploi, ben, j'ai sollicité à plusieurs reprises des aides, des financements pour mes formations massage, puisque j'avais envie de compléter mes prestations par du massage bien-être. Donc Pôle emploi m'a financé certaines de ces formations. Et puis j'ai aussi bénéficié d'un prêt d'honneur par le réseau Initiative Lorraine Nord, ce qui m'a permis d'effectuer des premiers achats nécessaires du matériel informatique, de la petite fourniture, des fournitures de massage et aussi de la communication. Donc oui, il existe différentes aides financières en fonction de votre projet et il faut vraiment, vraiment aller chercher les bons interlocuteurs. Alors dernière question, est-ce que vous pensez que tout le monde peut se reconvertir ? Oui, moi je dirais que oui, tout le monde peut se reconvertir, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu, quel que soient nos doutes, nos peurs. Moi je l'ai fait, j'avais 50 ans, c'était le bon moment puisque je me connaissais bien, je savais ce dont j'avais envie, ce dont j'étais capable. Et puis c'est aussi une période de la vie où on arrive à se détacher peut-être plus facilement justement de tous nos doutes, nos peurs, le regard des autres et d'accepter de faire des choses pour soi, en fonction de soi. Mais oui, c'est possible à tout âge et je pense qu'il faut simplement oser sortir de sa zone de confort. Eh bien, merci Rachel Guilin pour votre témoignage inspirant qui illustre parfaitement que la motivation est la clé de réussite dans un projet de reconversion professionnelle avec la nécessité d'avoir une vision à long terme et de se faire accompagner. Alors justement, au niveau de l'accompagnement, au-delà de l'accompagnement financier, Dorothée, tu vas nous proposer dans la deuxième partie de cette émission des outils à utiliser, notamment dans les moments de doute, pour faciliter donc ce projet de reconversion professionnelle. Mais avant de poursuivre nos entretiens, on va faire une petite pause musicale en écoutant justement une chanson qui évoque la reconversion professionnelle, Dorothée. Oui, tout à fait. On va passer un petit moment musical avec le slammer lyonnais Eureka qui a donc créé une chanson qui s'appelle « Une autre chance ». Je vous invite à découvrir. Tout à fait. On retrouve tout de suite donc Eureka, « Une autre chance ». » Je viens d'abandonner mon poste de direction. Après toutes ces années de travail et de pression, je n'ai plus qu'une envie, c'est la bonne décision. Je renonce à cette vie, je donne ma démission. À quoi bon gâcher ainsi mes journées et mes années dans ce monde de soucis qui ne m'est pas destiné? Je suis sûr qu'il est possible de mener sur cette terre une vie moins prévisible, une vie moins ordinaire. Je laisse ce grand bureau, ce stress et ses horaires, ces quelques milliers d'euros qui constituent mon salaire. Que faire de ce destin? Je le sais depuis toujours, il est grand temps ce matin de l'assumer au grand jour. Je cours, je m'aventure au hasard des directions, sans aucune idée bien sûre quant à ma destination. Mission, trouver d'urgence mon identité profonde, le sens de ma présence sur cette planète ronde. Ce matin c'est décidé, je change d'existence. Je me suis trompé d'idée, je me donne une autre chance. Je me donne une autre chance. Ce matin c'est décidé, je change d'existence. Je me suis trompé d'idée, je me donne une autre chance. Je me donne une autre chance. J'avance tranquillement, je me sens tellement bien. Je profite du moment, je ne pense plus à rien. Je viens de changer d'air. Quelle étrange sensation de n'avoir aucun horaire ni aucune obligation. Je longe tant de parvis, tant d'immeubles de bureaux où l'on passera sa vie à remplir des bordereaux et dire que sans remords j'allais perdre des années dans un quotidien de mort. N'ayant rien à me donner, j'ignore évidemment ce que je ferai demain, ce qu'il y aura vraiment tout au bout de ce chemin. Mais ça n'a pas d'importance, tu penses, je verrai bien. Je fais confiance à la chance, confiance à mon destin. Et si, au bout du compte, tout cela devait rater, et si je me rendais compte qu'on ne peut pas déserter, j'aurais au moins eu la chance d'être de ceux qui d'emblée ont choisi une existence qui a pu leur ressembler. Ce matin c'est décidé, je change d'existence. Je me suis trompé d'idée, je me donne une autre chance. Je me donne une autre chance. Ce matin c'est décidé, je change d'existence. Je me suis trompé d'idée, je me donne une autre chance. Je me donne une autre chance. Voilà la décision que j'ai prise hier au soir devant ma télévision. Vision de cauchemar, ces avions dans ces tours et ces centaines de morts dont il ne reste à ce jour qu'une montagne de corps. Alors, tous condamnés à quitter cette existence, pourquoi perdre des années dans des vies sans consistance? Je n'ai pour m'épanouir qu'un passage dans ce monde dont j'ai l'intention de jouir de chacune des secondes. Cette histoire, vous la connaissez, c'est celle de François-Xavier de Maison, cet ex-trader devenu comédien suite aux attentats du 11 septembre. On écoute son témoignage. J'étais fiscaliste dans un cabinet, j'avais suivi des études plutôt sérieuses, et puis ben voilà, j'avais renié cette passion pour la scène, pour tout ça, et la vie a fait que ben, j'ai décidé qu'effectivement je voulais plus ça et que je voulais une autre vie. Et donc j'ai tout plaqué pour réaliser ce rêve, monter sur scène, devenir acteur. Je savais que j'en avais en moi ce feu, mais voilà, je m'étais trompé de voie, je pense. Voilà, c'était donc Eureka, donc une autre chance. Eureka qui raconte donc des parcours de résilience et de changement de vie, illustrant la force et la motivation donc nécessaires pour réussir donc une reconversion. Fadjet, une radio associative, locale, solidaire et citoyenne. Oui, vous êtes bien sur Radio Fadjet et vous écoutez donc l'instant présent, donc l'occasion d'aborder le développement personnel. Et ce mois-ci, nous allons donc évoquer donc la reconversion professionnelle. Et dans cette deuxième partie, nous allons évoquer des conseils pratiques pour nos auditeurs. Alors, après avoir évoqué donc un témoignage instructif sur donc une reconversion professionnelle réussie, nous allons évoquer des outils qu'il est possible de mobiliser pour vous accompagner tout au long de vos projets. Alors, Dorothée, reçois-tu régulièrement des clients qui souhaitent rentrer dans cette démarche de reconversion professionnelle ? Oui, tout à fait, Jérôme. J'ai des personnes qui me consultent pour travailler sur leur projet de reconversion professionnelle. Bien souvent, elles viennent dans le cadre d'une problématique de gestion du stress et de régulation des émotions. Eh ouais, parce que faire le grand saut, c'est pas sans perturbation émotionnelle. Mais aussi et surtout, on va pouvoir travailler avec elles sur toute l'approche de faire ses choix en conscience éclairée, notamment si on est aux prémices de la reconversion. Et ça peut très bien venir en accompagnement, en complément pardon, d'un accompagnement de coaching ou autre accompagnement dans le cadre professionnel. Alors, par exemple, on va travailler pour trouver au fond de soi ce qui nous anime, donc en termes de valeur, trouver, retrouver sa raison d'être hein, si on s'était égaré. Ça peut être aussi juste une confirmation, finalement, d'être dans le bon secteur, mais peut-être de s'orienter vers un autre métier ou de le faire différemment, si c'est possible. Et on va mettre de la conscience sur ce qu'on souhaite pour nous, ce qui nous anime, voilà, tout simplement incarner les valeurs. Et ça, c'est une vraie démarche personnelle qui va pouvoir directement trouver sa place dans le professionnel. Donc, c'est un processus qui nécessite de se mettre en action et en mouvement vers ce qu'on a envie d'atteindre. Alors justement, peux-tu nous évoquer quelques outils pour nous aider à résister lorsqu'on a notamment des moments de doute et tout d'abord pour la gestion du stress ? Oui, alors bien souvent, on se représente le changement comme une ligne droite avec un chemin à parcourir d'un point A à un point B en se disant que voilà, au bout du chemin, l'objectif sera atteint. Qu'il suffit simplement de sortir de sa zone de confort, d'être résilient et motivé. Oui, mais c'est ce qu'on entend souvent dans le cadre du développement personnel. Oui, tout à fait. Mais parfois, c'est un raccourci et aussi une première fausse croyance parce que le changement n'est pas linéaire. Bien sûr, à force d'actionner des choses vers ce changement, on va sortir de cette zone de confort. Mais il faut avoir aussi à l'esprit que c'est un chemin sinueux qui est fait de haut et de bas. Dans toute transition, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ça chahute, ça fait des vagues. Bien sûr, on va traverser des périodes de stress, d'anxiété, de doutes profonds, et c'est ce que décrit parfaitement Rachel, et qui aussi peut, tous ces moments vont parfois s'accompagner d'échecs ou de difficultés qui peuvent, dans certains cas, nous entraîner vers une difficulté à rester motivé sur son objectif. Alors, que conseilles-tu aux auditeurs et auditrices ? Eh ben, premier conseil, tout bête, c'est du bon sens, c'est de se dire que il faut être conscient qu'on va traverser ces périodes d'incertitude, que ça fait partie de la reconversion, d'accepter qu'elles font partie du processus du changement, de faire des allers et retours, et sans ces périodes, pas de changement profond. Il faut bien se connaître, apprendre à se connaître, si c'est quelque chose qui est un petit peu difficile pour soi, donc pour ça on peut se faire aider. Et par exemple, se poser les questions, est-ce que je suis quelqu'un qui aime plutôt la sécurité ? Quel type de sécurité ? Si elle est financière ? Comment je gère mon stress, mes émotions ? C'est vraiment ça la connaissance de soi. C'est de mettre un peu la lumière sur mes ressources qui vont pouvoir m'aider à traverser ce chemin difficile. Il y a aussi la technique du renforcement. On a tous vécu des périodes passées de sa vie où on a dû faire face à des choses qui nous ont permis d'avoir de la résilience, d'être résilient et de se renforcer sur ces périodes de vie passées. Ça a un impact et de se replonger dans les ressources qu'on avait développées à l'époque et qui nous ont permis de les surmonter. C'est des vraies forces intérieures qu'on peut réactiver, même si les situations ne sont jamais semblables à ce que l'on a vécu. Et voilà, et tout en sachant quand même que malgré ces périodes de stress et d'anxiété, le stress, il permet d'être performant. Et que l'anxiété permet aussi de se mobiliser autour d'un objectif, si elle ne nous paralyse pas et qu'elle n'est pas pathologique. Donc il ne faut pas chercher à tout prix non plus à les effacer du panorama. Alors, pour réussir une reconversion professionnelle, il faut garder confiance en soi, c'est important. Alors, que peux-tu proposer donc pour aider justement à garder cette confiance en soi ? Alors moi, je conseille souvent d'y aller petit pas par petit pas. C'est la méthode des petits pas qui est très présente dans le Kaizen. Donc Kai, ça veut dire le changement, Zen, le meilleur. Et c'est une stratégie en fait d'amélioration continue qui est complètement empreinte du respect de l'humain et d'efficacité. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est mettre en place des actions simples, concrètes, pour s'engager dans l'atteinte d'objectifs intermédiaires. Et l'atteinte de ces objectifs internes va servir l'objectif principal. Rachel en parle très bien dans son témoignage en disant qu'elle a osé donc sortir de sa zone de confort, se faire un peu violence gentiment, oser acter des choses et de voir que effectivement on arrive à atteindre ces choses et du coup ça va nous remplir de confiance et d'énergie et tout cela va constituer à atteindre l'objectif principal. Mais concrètement, qu'est-ce que cette méthode active en nous ? Alors notre cerveau, il aime que nous activions son circuit de la récompense, qu'on le veuille ou non, nous sommes ainsi faits. Notre cerveau aime que nous fassions le plein de dopamine, d'ailleurs les réseaux sociaux l'ont parfaitement compris, et nous en sommes régulièrement les jouets, et tout ça jusqu'à ce que nous agissions en conscience. Alors, la dopamine facilite l'acceptation d'une certaine prise de risque, notre cerveau préférant de loin un petit gain immédiat à un immense gain ultérieur hypothétique. Donc, on s'appuie vraiment sur ça à travers la méthode des petits pas. Donc, ainsi, en acceptant de risquer une remise en question et en réussissant, eh bien, je vais augmenter progressivement, palier par palier, ma confiance en moi. Voilà, donc petit pas après petit pas, j'atteins mon objectif. Et surtout, ce qui est important, c'est de constater les progrès réalisés. Et ça permet d'ouvrir l'esprit sur la confiance et d'atténuer l'incertitude. Bah parfait, merci pour ce conseil Dorothée. Alors, autre outil, moi j'ai entendu parler du rôle clé des images mentales. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, il a été en effet démontré que le cerveau ne fait pas de différence entre l'action motrice réelle et l'image mentale de cette même action. Visualiser une action ou la réaliser dans la matière déclenche les mêmes processus au sein du cerveau. Par exemple, Jérôme, si je te dis « ferme les yeux » et dis-toi « je veux saliver », est-ce que ça fonctionne ? Ben, j'ai pas l'impression, non, c'est pas évident. Ok, maintenant recommence l'exercice. Et si je te dis « imagine un aliment dans ta bouche que tu aimes ». Ah oui, donc là on peut imaginer quand, si je mange des fraises ou des mirabelles. Effectivement, c'est plus efficace. C'est plus efficace, on sent la salive. Voilà. Tout à fait. Donc c'est exactement ça les images mentales. C'est-à-dire que notre cerveau, il ne comprend pas le « je veux », mais il comprend le « imagine ». Et donc, c'est tout un art de lui parler. Et d'ailleurs, c'est sur cet imaginaire que s'est basée la méthode Coué, hein, d'Émile Coué, qui a souvent été décriée et critiquée, hein, avec sa phrase « jour après jour, je vais de mieux en mieux ». Mais finalement, ce n'était pas une question de volonté, c'était plutôt d'imaginer aller mieux. Et d'ailleurs, Rachel en parle aussi, qu'elle avait fait des visualisations. Donc, c'est clairement ça, on s'appuie sur les images mentales. Donc, l'imagerie mentale, c'est comme une préparation mentale. On va mettre le consultant dans un état de relaxation légère, baisse du tonus musculaire, fréquence cardiaque, pour l'emmener dans un état de conscience plus profond. Ça va permettre d'activer les ondes alpha du cerveau entre veille et sommeil. Et ensuite, on va aller se projeter, imaginer une situation à venir pour laquelle on veut se préparer. Donc des examens, entretien d'embauche, reconversion. Et on va se voir agir avec aisance et facilité dans une situation prochaine. Alors bien sûr, on projette la personne dans quelque chose de réalisable sans en faire un super-héros. Ça doit rester concret. Bien, merci Dorothée pour tous ces conseils. On va passer maintenant au deuxième coup de cœur musical. Alors quel était ton choix Dorothée ? Eh bien, comme on est fan de Christophe Maé dans le studio, ben, Christophe Maé, il est où le bonheur ? Alors, ce titre questionne avec douceur et sincérité la quête du bonheur, notamment dans la vie professionnelle, et invite à réfléchir sur ce qui compte vraiment pour s'épanouir au quotidien. Eh bien, on écoute tout de suite, donc, « Il est où le bonheur ?» de Christophe Maé. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur, il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur, il est où ? Il est où ? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. c'est quand le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là. Voilà, c'était Christophe Maé qui nous amène à réfléchir sur où il est où le bonheur, justement, lorsqu'on a envie de changer de métier. C'est justement donc le thème que nous abordons donc ce mois-ci avec Dorothée Lacroix sur donc la reconversion professionnelle. Alors, pour terminer cette émission, Dorothée, j'aime ces citations inspirantes. On a parlé tout à l'heure d'image, hein, qui est importante, mais aussi des citations inspirantes. Dorothée, il y a un principe à partager avec nos auditeurs concernant justement la reconversion professionnelle. Alors, moi, je dirais reconvertir, ce n'est pas changer de vie, c'est accorder sa vie à ce que l'on est devenu. Voilà, donc c'est de moi, c'est une phrase que j'ai écrite, parce qu'il ne s'agit pas de se transformer totalement, de devenir complètement quelqu'un d'autre, ou de tout révolutionner, de tout quitter, mais simplement de s'aligner. C'est pas une fuite, ni une transformation radicale, mais une continuité de ce qu'on est. Et ben ça rejoint un petit peu ma citation qui n'est pas de moi, mais de George Eliot, hein, « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être ». Voilà, qui rappelle avec douceur et force que la reconversion est toujours possible, quel que soit le moment de la vie, et qu'il est toujours temps de suivre ses aspirations profondes. Alors pour terminer, non pas un ouvrage, mais une référence de film pour vous aider à la reconversion professionnelle. Alors oui, il y a un film particulièrement recommandé, « On fait quoi maintenant ?» Donc, c'est une comédie réalisée par Lucien Jean-Baptiste. Le film raconte l'histoire d'Alain, un cadre licencié à 58 ans, qui décide de créer sa propre entreprise dans un domaine totalement nouveau, la garde d'enfants entourée de deux complices improbables. Alors, ce long métrage aborde avec humour et optimisme les défis de la reconversion après 50 ans, mêle en réflexion et légèreté, ce qui peut être très encourageant pour ceux qui envisagent un changement de carrière. Voilà pour ce dimanche après-midi ou en soirée, eh bien, un très bon film. Donc, on fait quoi maintenant, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc ainsi se termine ce numéro de l'instant présent. Ben, j'espère que désormais vous avez davantage confiance en vous pour vous inciter à vous lancer dans ce nouveau projet professionnel et connaître ainsi le bonheur au travail. Alors si vous avez pris l'émission en cours, sachez que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site de Radio Fadjet ainsi que toutes nos émissions que nous avons abordées ces derniers mois. Tout à fait. Eh bien Dorothée, ben, merci de m'avoir à nouveau accompagné pour cette émission de Mais avec plaisir. L'Instant Présent. On se retrouve bien sûr à la rentrée. Oui. Hein, pour de nouveaux rendez-vous de l'Instant Présent. Et puis d'ici là, n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.